franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le jour où Fellini rencontra Fellini. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Cédric Ossire. En 1960, Fellini termine la Dolce Vita. Le film sort en salle, succès et scandale. Il recevra la Palme d'Or à Cannes. Le film commence ainsi. Des jeunes femmes en maillot de bain regardent arriver dans le ciel une statue du Christ suspendue à un hélicoptère. « C'est Jésus !» s'écrie-t-elle. Pendant qu'un journaliste embarqué dans l'hélico les reluque. Dès cette scène d'ouverture, un souffle de folie s'engouffre dans la Dolce Vita. Voilà, c'est ça Fellini. Tout est clair et tout se trouble, se chevauche, se coupe et se recoupe, tout se mélange. Les bikinis et le sacré, les cafés de la Via Veneto et les églises de Rome, les palaces et les lieux sordides. On vole, on roule en décapotable, on va partout avec le journaliste Marcello, joué par Mastroianni bien sûr, qui court après les scoops. Les médias, les mœurs, tout s'affole, c'est le show permanent, c'est l'amour et c'est l'orgie. Cette fresque, et c'est là tout le génie de Fellini, c'est de réussir à saisir l'énergie de l'époque, d'en donner la démesure et d'en dire déjà l'épuisement. Pour nous expliquer cette déraison, nous rendre proches de ce cinéaste magicien du réel, nous recevons aujourd'hui Jean Gilly, universitaire, historien et critique, spécialiste du cinéma italien. En 1983, il intègre le comité de rédaction du mensuel Positif et crée avec Pierre Todeschini les rencontres du cinéma italien d'Annecy. En 1984, il fonde avec Jean-Pierre Jeancola l'association française de recherche sur l'histoire du cinéma. En 1993, il prend la direction du département d'études cinématographiques et audiovisuel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, Jean Gilly est l'auteur de nombreux livres ainsi que le réalisateur de documentaires sur le cinéma italien. Il a publié chez Gallimard « Fellini, le magicien du réel », une biographie qui fait référence sur le maestro. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. T'as vu l'heure ? Non. Il est 4 heures du matin. Hein ? 4 heures du matin. J'en peux plus de tes équipées nocturnes, Federico. De tes frasques, de tes mensonges. Quel mensonge ? Je mens, moi ? Oui, c'est toi qui le dis. Tu es un menteur, le plus grand de tous les menteurs. Lorsqu'il commence le tournage de la Dolce Vita, Federico Fellini n'a pas 40 ans. Il a déjà reçu 2 Oscars du meilleur film étranger à Hollywood pour La Strada et Les Nuits de Cabiria, ainsi qu'un Lion d'argent à la Mostra de Venise pour ses Vitelloni. Il fait partie de ce cinéma italien en plein essor, où s'inscrivent les noms de Rossellini, Antonioni, De Sica et Visconti. Cependant, Fellini n'est pas encore Fellini. Il demeure ancré dans un néo-réalisme qui imprègne le 7e art italien de l'après-guerre, faisant écho aux interrogations d'une société meurtrie. Le style Fellini mêle rêve, réalité, fantasme et souvenir dans une trame narrative déconstruite. Avec la Dolce Vita, il va composer une immense fresque sur la Rome de la fin des années 50. Une Rome libre, capricieuse et blasée, où la vie est plus douce, mais où le courage a fait place à la bassesse et au mal-être. Construit comme un documentaire frénétique, le film met en scène l'existence de Marcello, jeune journaliste perdu dans les méandres de cette société moderne, entre quête d'idéal et scandale, dépression et starisation, pureté et publicité. En réalisant la Dolce Vita, celui que l'on va surnommer le maestro va rencontrer sa propre modernité. Où tu étais ? En repérage. Près du Colisée ? Le long du Tibre ? Tu n'en as pas assez de ces putes. Il te faut passer ta vie avec elles. Giulietta, Giulietta. Tu étais avec Pasolini, c'est ça? Il t'a encore traîné. Je déteste ce type. Arrête. C'est pénible, ce côté bourgeois que tu peux avoir parfois. Et moi, je reste là, à attendre, seule, toute seule, avec ma tristesse. Tu es mon âme, Giulietta. Tu es mon souffle, mon abri, ma maison. Comment peux-tu penser que je te sois infidèle? Moi, parce que je te connais, Federico. Tu as besoin des femmes. Tu es obsédé par les femmes. Il te les faut toutes. Comme tous les Italiens. Mais oui, j'aime séduire, Giulietta, j'aime ça. Mais je me sauve au dernier moment. Jamais je ne te suis infidèle, où jamais. Où tu étais, Federico? Où? Avec Anna Giovannini? La belle caissière de la pharmacie, c'est elle? Tu continues avec elle? Mais non. Elle est jeune et bien en chair, comme tu les aimes. Giulietta. Ah, c'est Léa. Tu es retournée avec Léa. Et Pasolini va encore t'attendre jusqu'à l'aube dans la Fiat 500 pour te servir d'alibi. Calme-toi. Et arrête de lire ce que raconte la presse à scandale. Je n'étais ni avec Pasolini, ni avec Léa, ni avec aucune autre. Où tu étais, Federico Fellini? Via Veneto. En pérage? Tu te fous de moi? Tu ne mets jamais les pieds via Veneto. Tu détestes la Via Veneto, le luxe qui s'étale, les journalistes, le star system, tu détestes ça. Je tiens une histoire, Giulietta. La nouvelle décadence de Rome vécue par un journaliste en mal de vivre. Un type blasé, qui se rêve écrivain et se laisse balloter par les événements. La nuit romaine, les femmes. Une grande fresque fantasmatique et déconstruite sur une Rome rêvée. Ça ne te ressemble pas, Federico. Ça me ressemble, enfin. Il y a un rôle pour moi? Non. Tu n'as pas de rôle pour moi? Non. Je vais chercher les prix d'interprétation à Cannes et les rubans d'argent à la Mostra, mais tu n'as pas de rôle pour moi. Tu veux jouer la riche héritière? Pourquoi pas? Mais je ne te vois pas dans la riche héritière, dans le rôle de la star hollywoodienne non plus. Il n'a pas une femme, ton journaliste? Elle passe son temps à lui faire des crises de jalousie. Je serais très bien. Oui, oui, ça tu sais faire. Mais ce n'est pas pour toi. Tu vas l'appeler comment, ce film? La Dolce Vita. Pour interpréter le rôle du jeune journaliste, Fellini va choisir celui qui sera son ami et son double à l'écran, Marcello Mastroianni. Mastroianni a déjà tourné près de 40 films, jouant les types sympas, les Italiens ordinaires dans des comédies populaires. Avec la Dolce Vita, il va devenir le jeune premier qui manquait au cinéma italien et accédera ainsi au rang de star internationale. La première rencontre entre les deux hommes a lieu sur la plage de Fregene, où Fellini possède une maison. Marcellino, je suis heureux de te voir. Moi aussi. Ah, je suis bien ici, tu vois, Marcellino. On mange tous ensemble, on boit, on rit, on parle du cinéma qu'on a fait, de celui qu'on va faire. Le reste, ça m'intéresse pas. Les voyages, le sport, la politique, tous ces trucs, je leur laisse. Pas les femmes, ça je les garde. Eh oui. Tu me les laisses les femmes, toi aussi, Marcellino? Pas toutes. Mais alors pourquoi tu dis oui? Parce que je suis d'accord avec toi. Le cinéma et les femmes. Et puis, parce que toi, tu parles bien. Tu es spirituel, tandis que moi, je me sens un peu bête, donc je t'écoute. Bon, c'est bien. Alors écoute, j'ai un projet de film. Le producteur, c'est Dino De Laurentiis. Ah, Dino. Il te suit partout, la Strada. Et les Nuits de Cabiria, oui, c'était lui aussi. Il aime les Oscars à Hollywood. Oui, mais là, il traîne un peu les pieds, tu comprends? L'histoire ne lui plaît pas? Ben, l'histoire, si, l'histoire, si. C'est que pour le rôle du journaliste, le premier rôle, il veut Paul Newman. Les vedettes américaines. Ah oui, mais Paul Newman, il est trop connu. Il a le visage de Paul Newman. C'est normal. Paul Newman, il a le visage de Paul Newman. Non, je veux un visage ordinaire, un type quelconque, pour jouer Marcello Rubini. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Oui, le type quelconque, c'est moi. Seulement, Dino veut pas de toi. Alors on fait pas le film? Si, mais il me faut un autre producteur qui rachète les droits à Dino. 75 millions de lire. T'es sûr que tu veux pas prendre Paul Newman? C'est toi ou personne. Bon, et il fait quoi ce journaliste dans ton histoire? Il erre dans Rome, en compagnie de son acolyte, Paparazzo, un photographe qui cherche le scoop. Marcello, lui, voudrait changer de vie. Devenir écrivain, mais il est trop vélitaire. Alors il passe de fête en fête, de femme en femme, pour échouer finalement sur une plage, avec ses désillusions. T'aurais un scénario pour moi, je veux bien lire. Tiens. Où est le scénario? C'est ça. Tu n'as qu'un dessin. Toute l'histoire est là. C'est moi, ce type, en train de nager au milieu de l'océan, avec autour de lui des sirènes qui dansent et son sexe immense qui va jusqu'au fond de l'eau? Oui. Ouais. C'est intéressant. Tu es d'accord, Marcellino? Ouais. Ça me plaît bien, mais... tu sais que je suis engagé pour l'année prochaine. J'ai promis à Visconti. Tu fais un film avec Visconti? Du théâtre. J'ai demandé à Loukino de me mettre en scène dans Platonov de Tchekhov. Mais alors? Je peux pas le laisser tomber. Il a fait de moi l'acteur que je suis au théâtre. Lucchino est comme mon père. Eh ben, tu lui diras que tu vas faire du cinéma avec ton frère. Tu t'en voudras pas. À la recherche d'un nouveau producteur, Fellini tombe par hasard sur Giuseppe D'Amato, qui est immédiatement emballé par le projet. Même si à la Dolce Vita, il préférait le titre de Via Veneto. Il s'associe à Angelo Rizzoli, qui a produit les Vitelloni, et rachète les droits à Dino De Laurentiis. Fellini peut engager Mastroianni, qui renonce à son projet de théâtre avec Visconti. Le 16 mars 1959, le tournage commence dans une ambiance festive. Mais les prises de vue via Veneto se révèlent vite compliquées. Regarde, Marcellino. Mais comment tu veux travailler dans ces conditions? T'as vu tous ces gens à la terrasse du Café de Paris? Et ces bagnoles partout. On va y passer des mois. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est via Veneto. Tu auras la même chose au Donnay, au Strega. Tu auras les gens, la foire, les curieux. On va tourner à Cinecittà. Qu'est-ce que tu veux tourner à Cinecittà? Les intérieurs? La via Veneto. Gherardi va nous construire ça dans le studio 5. Comment tu vas faire? La via Veneto est en pente. La nôtre sera plate. Une réplique plus vraie que la vraie. Une via Veneto rêvée. Cinecittà. Tout ce qui existe au-delà des grilles de Cinecittà est un réservoir immense et merveilleux à visiter, à piller et à rapporter à Cinecittà. Mais on est bien que là-bas, Marcellino. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on rentre, on va se coucher. T'as vu l'heure? Il est 5 heures du matin, Federico. Et alors? On va pas dormir. Pourquoi dormir? Ça fait 24 heures qu'on est via Veneto, j'en peux plus. J'ai besoin de dormir, Federico. Mais le cinéma, c'est la fête! Pourquoi tu veux arrêter la fête? Tu veux pas prendre un petit déjeuner? Tu sais ce qu'on va faire? On va aller jusqu'à l'aérodrome civil. On appelle le commandant. Tu sais, celui qui t'a emmené avec le Christ au début du film. Et on lui dit de survoler les terrasses. Hein? Et toi, tu téléphones à cette fille tellement jolie. Tu lui dis de venir nous saluer sur sa terrasse. Ensuite, on pousse jusqu'à Ostia. Le commandant doit dormir, Federico. Il fait encore nuit. Et demain, c'est Pâques. Alors allons à la maison. Hein? Je vais te faire un risotto à la pescatore. On va pas réveiller Giulietta? Elle est en Pologne, elle tourne. Tu peux rester dormir, tu es chez toi. Tu fais comme tu veux, pas de règles, pas de frontières. Je te demande rien, je t'oblige à rien. Sauf à manger mon risotto en me parlant de cinéma. Et nous voilà comme deux vieux chats qui vagabondent dans la nuit romaine. Et il faudrait raconter l'Italie de la nuit en se glissant dans les commissariats. Un commissariat à Milan, l'autre à Pise, et puis Turin, la Sicile. Passer de la prostituée au mari qui frappe sa femme. L'ivrogne, le mendiant, tous les désespérés de la terre. On achèterait une grande caravane et on tournerait dans toute l'Italie. Oh, ça te plairait, Marcellino? Avec toi, ouais. On filmerait les commissariats, on dormirait dans la caravane, on mangerait ton risotto. Oh, ce serait encore une grande fête. Tu es infatigable, Federico. Ça m'amuse d'observer les gens. Qu'est-ce que tu veux? La putain, le prêtre, le truand, je les aime bien. Et les femmes? Tu aimes les femmes, Federico? Elles sont mon inspiration. Et tu ne résistes pas à ton inspiration? Bah, je suis bien obligé de résister. Sinon, j'ai Giulietta sur le dos. Et Anita? Tu vas résister à Anita Ekberg? Et toi, Marcello? Tu vas résister à Anita? Et Anita, elle va me résister? Dis, elle va me résister? L'actrice et mannequin suédoise Anita Ekberg est engagée pour jouer le rôle de Sylvia, une star hollywoodienne venue tourner un film à Rome. Avec Marcello Mastroianni, elle va immortaliser l'une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma. La beauté blonde, inaccessible et provocante, comme sortie d'un songe, se baignant en robe du soir dans la fontaine de Trevi, sous le regard fasciné de Marcello, qui la rejoint tout habillée. Le tout Rome se presse dans la nuit pour assister au tournage. Qui es-tu, toi? Tu ne me reconnais pas? Non. J'ai joué dans un de tes films, Il bidonne. Ah, je ne me souviens pas. Si, je buvais un café derrière un type qui était à côté de l'acteur. Et l'acteur, lui, il parlait. Bah, moi aussi, mais on ne m'entendait pas. Vous étiez plusieurs, alors je ne me souviens pas de toi. Tu aurais un rôle pour moi? Mais non, tu vois bien, ils ne sont que deux dans la scène. Tu t'imagines avec Marcello et Anita Ekberg dans la fontaine? Mais qu'est-ce que tu y ferais dans la fontaine de Trevi? Je peux passer, si tu veux, comme ça, même sans parler. ça va aller, c'est gentil. C'est comment ton nom? Giuseppe. Eh bien, Giuseppe, la prochaine fois. Passe me voir à Cinecittà. Maintenant, il faut qu'on travaille. Tu n'as pas besoin de cravate, docteur? J'en ai déjà une. Regarde comme elles sont belles. Prends-moi une cravate. Je te la fais pas cher. Hein. Ah, maintenant, je te reconnais. Tu es venu il y a 2 jours, hein? Et je t'ai pris une cravate déjà. Il faut bien que je vive. Bon, allez, donne-moi une cravate. Et file. Tiens, prends cet argent. Merci, docteur, merci. Federico, tu as 2 cravates. Mais qu'est-ce que tu veux? Je crois que j'ai bon cœur. Tu es prêt, toi, Marcello? Parce qu'Anita, elle est prête. Federico, il y a un problème. L'eau est dégueulasse, c'est sûr. Mais en plus, elle est glacée. Et alors? T'as vu Anita? Elle a dit quelque chose pour l'eau? Ben non. Quand elle est entrée dedans, elle n'a rien dit. Anita, c'est un animal. Elle est surnaturelle. Elle entre dans l'eau glacée, elle ne bouge même pas un cil. C'est les Suédois, ça. Qu'est-ce que tu veux? Anita, c'est un iceberg. Moi, je suis un petit Italien qui a froid. J'ai froid, Federico, j'ai froid. Fais quelque chose, je t'en prie. Mais tu veux quoi? Une combinaison de plongée pour entrer dans la fontaine de Trevi? Voilà. Une combinaison de plongée. Donne-moi une combinaison de plongée et une bouteille de vodka. Et je reste dans la fontaine jusqu'à l'aube, sans broncher. Mais t'es fou, Marcellino. Tout Rome va se foutre de toi. Mais on ne dira à personne. Je glisse la combinaison sous mon costume, je bois 2 verres de vodka et le tour est joué. Demande à Angelo de me trouver une combinaison. Mais il est 3 heures du matin. Il y a sûrement ça dans ses mal. Il y a plein de films avec des combinaisons de plongée. Mais t'es fou, Marcellino. Je suis pas fou, j'ai froid. C'est tout. Si Anita sait pour la combinaison, tu vas en prendre pour ton grade. Je lui ferai 2-3 sourires et elle comprendra elle-même bien, tu sais. On tourne une scène d'amour. Le type doit être ensorcelé par la beauté de cette fille. Tous les Italiens seraient prêts à vendre leur mère pour se coller à Anita, la tête dans sa poitrine. Et toi, tu veux une peau en caoutchouc? L'aventure de la Dolce Vita dure 6 mois. De nombreuses scènes sont tournées dans le studio 5 de Cinecittà, qui devient le plateau de prédilection de Fellini. Même la Via Veneto, reconstruite à l'identique par Gherardi, lui paraît plus belle, presque onirique, sublimée. Comme le seront par la suite tous les lieux revisités par Fellini dans ses films, d'Amarcord à Roma. La première projection de la Dolce Vita a lieu à Rome en février 1960. Mais le succès ne semble pas au rendez-vous. C'est un fiasco total, ma pauvre Violetta. Je croyais avoir fait un bon film et voilà que tout le monde se déchaîne. Il le trouve trop long, ennuyeux, scandaleux. Scandaleux, pour qui? Les amis de Rizzoli. Ils disent que c'est un film de snob avec ses fêtes et ses héritiers qui ne foutent rien. Mais les amis de ton producteur sont des cons. Des Milanais uniquement préoccupés par l'argent. Tu as lu la presse, Giulietta? C'est le public qui compte. Les gens ont même cassé des vitres au Capitole pour voir ton film. Une vraie ruée vers l'or. Oui, mais quand la censure tombera, plus personne ne pourra le voir. Le Vatican est contre moi une nouvelle fois. Même les politiciens brandissent leur interdiction. Alors, je croyais avoir fait un film de bons catholiques, dénoncer les hypocrisies des vendeurs de miracles. Il n'y en a qu'un sur lequel je puisse compter. C'est vrai. Je ne l'ai jamais porté dans mon cœur, mais là, j'avoue, il te soutient sans concession. Tu te moques de moi? Non, je suis d'accord avec toi. Pasolini t'a défendu comme personne. C'est grâce à lui que la gauche s'est mise de ton côté. C'est un ami, un vrai, sur lequel tu peux compter. Il est le seul à avoir compris que la Dolce Vita était un film catholique. Souvent monstrueux, souvent angélique, mais beau. Et d'un catholicisme bouleversant. Vous êtes Fellini? Oui. Federico Fellini, vous êtes bien celui-là? Oui, je crois, oui. C'est vous le responsable de la vie dégoûtante? Non, moi j'ai tourné la Dolce Vita. C'est bien ce que je dis. Vous avez vu la Dolce Vita, madame? Oh, pas besoin de voir ce genre de saloperie pour les condamner. Vous devriez assister à une projection plutôt que de lire Le Salvatore Romano. C'est une infamie! Lâchez-moi, madame, lâchez ma cravate et laissez-moi tranquille. Mieux vaut se mettre une pierre autour du cou et se noyer au fond des madame, mers. Madame, lâchez mon mari. Pourquoi vous voulez scandaliser les gens? Ça vous amuse? Je voulais dénoncer les faux chrétiens, c'est tout. Avec ce communiste de Mastroianni? Mastroianni est mon ami, et c'est un immense acteur. C'est un vagabond. Bon, laissez-nous maintenant, ça suffit. Je vais aller prier pour le salut de l'âme de Federico Fellini. Merci, madame, merci de vos prières. Adieu, Federico Fellini. Pêcheur public. Ouais, adieu et bonne journée. Non, je suis effondré, Giulietta. Tant d'animosité et d'incompréhension, mais pourquoi? Laisse faire le temps, Federico. Laisse les gens te cracher au visage. Ton film sortira vainqueur de cette fanfare imbécile. le 13e festival de Cannes, présidé par Georges Simenon, attribue sa palme d'or à la Dolce Vita. Le film est un immense succès international. Il obtient un Oscar à Hollywood et 3 rubans d'argent à la Mostra de Venise. En tournant la Dolce Vita, Marcello Mastroianni et Federico Fellini avaient, sans le savoir, rendez-vous avec leur destin. Mastroianni porte désormais aux yeux du monde l'image du Latin Lover, tandis que Fellini vient de créer son univers, un style qu'il va cultiver durant 25 ans. Mais les affres de la création torturent le maestro, qui, après le triomphe de la Dolce Vita, est en proie au doute. Ce sentiment d'oppression, de chagrin intense que vous exprimez, vous l'avez déjà ressenti? Oui. À quelle occasion? Au moment de la Strada. À la sortie du film? Non, pendant le tournage. 3 semaines avant la fin. Vous vous sentiez déprimé? Oui, découragé. Impossible d'avancer. Vous étiez dans une sorte de confusion d'esprit. L'impression de tomber dans un trou noir. Et vous avez consulté? J'ai commencé les séances chez le professeur Servadio. Et? J'avais l'impression d'étouffer. Bien. Dans la vie, dans mes rêves, j'étouffais. Oui. Votre dernier rêve, vous pourriez me le raconter? Il Corriere della Sera portait Truffaut nu. Truffaut, vous savez, le réalisateur français. Alors je le rencontre dans l'ascenseur, avec ses amis, qui eux aussi l'encensent. Il monte. Et moi je descends, et l'ascenseur se transforme en lit à baldaquin. Alors, je défèque sur le lit. Et c'est dégueulasse, il y en a partout. Et puis, il y a Marcello, torse nu, qui veut faire mon prochain film. Et le pape, qui a 3 têtes, et qui me regarde sévèrement. Voilà, c'est tout. C'est intéressant. C'est emmerdant, oui. Pourquoi? Mais tout le monde m'emmerde. Le pape, la presse, Truffaut. Et Marcello? Lui, il attend. Il attend qu'on fasse un film. Vous pourriez dessiner vos rêves. Vous voulez que je dessine mes rêves? Oh, je ne veux rien. C'est une suggestion. Vous avez débuté comme dessinateur dans la presse, n'est-ce pas? Comme caricaturiste. Oui. Je pense que votre créativité pourrait être alimentée par vos productions nocturnes. Que cela vous aiderait à utiliser du matériau refoulé, à transformer vos peurs en énergie créatrice, en quelque sorte. Dans mes rêves, je me vois toujours de dos, avec plus de cheveux et 20 kilos de moins. Eh bien, vous pourriez vous dessiner comme cela, avec la jeunesse présente dans vos rêves. Il y a toujours des trains dans mes rêves, et des femmes avec des poitrines immenses, et on fait l'amour. Je fais souvent l'amour avec Anita Ekberg. Elle me donne énormément de plaisir. Et ce film qu'attend de tourner Marcello Mastroianni dans votre rêve, vous l'avez écrit? Non. Je suis en panne. Comment faire mieux que la Dolce Vita, docteur? Pourquoi faire mieux? Pour se dépasser. Qu'est-ce que vous voudriez raconter dans ce film? Je voudrais réussir enfin à parler de moi, sans artifice. Mais je n'y arrive pas. Vous êtes en panne d'inspiration. Je crois, oui. Pourtant, ce manque d'inspiration, n'est-ce pas un sujet qui parle de vous? La vie d'un réalisateur en panne d'inspiration? Oui. Entre sa femme, sa maîtresse et son producteur. Et puis, un second plan. Fantastique. Fait de rêves, d'inventions, de souvenirs qui le tourmentent. Ce type, ce serait Marcello. Après Bocas 70, film à sketch tourné en compagnie de Monicelli, De Sica et Visconti, Fellini réalise 8,5, qui remporte 2 Oscars à Hollywood et 7 rubans d'argent à la Mostra de Venise. Le succès est immense. On compare Fellini à Proust et Joyce. Jusqu'à sa disparition en 1993, le maestro n'aura cessé de creuser le sillon d'un style qui s'est imposé avec la Dolce Vita et a fait de lui un véritable magicien du 7e art. Oh, wait a minute. Oh, Robert. C'était Le jour où Fellini rencontra Fellini, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Cédric Ossier. Avec Luc-Antoine Diquero, Mélissa Barbeau, Félicien Jutner, Xavier Xapla, Myriam Azanco, Enrico Di Giovanni, Peggy Martino. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe technique, Claire Levasseur, Éric Villenfin, Alice Cachaner. In un corteo mille voci volano su, lassù nel cielo colore di lilla. Sono le parole, le preghiere di una città, i desideri di un po' di umanità. Misteriosamente tu con il pensiero vai verso l'inquietudine che dalla vita vuoi. Cerchi di sfuggire la realtà, oggi pochi dubbi ma domani chissà. La bianca vela che leggera sventola già, spazzando via ricordi di ogni età. Dalla mia riva si allontana sempre di più, solo un gabbiano sa quando tornerà. Sensazioni uniche con gran voracità, briglia sciolta femmine con gran golosità. Quello che vorrai su te cadrà e la giostra si ripeterà. Gira la giostra e cercando la libertà, gira la vita e con la vita gira la folla, il mondo che ha. Sei imprevedibile per le pazzie che fai, giochi per nascondere le tue qualità. Fascino ne hai a volontà, con lo sguardo afferri le tue prede. Accuratamente tue certe fantasie, nate dall'onirico tuo mondo di bugie. La pigrizia è la tua regina, il pensiero vagabondo è il re. Sei l'artista abile o sei il poeta in frac, o l'aedo pazzo che più non canterà. Un bambino che non ha età, giochi con la tua genialità. Fattucchiere abile o forse la Fontaine, sei Madame Bovary oppure il grande Croc. Un boccaccio sei o sei Bisnou, tutto questo Guido mio sei tu. Se una donna è femmina capisce che c'è in te la natura duplice di un maschio e di un bebè. Ti amerà perciò di più e noi ti vogliamo bene come sei. Please, miss, vous dormez en pyjama ou en chemise de nuit? How do you sleep in pyjama, hey, my girl? I see the flash. Neither. I sleep only in two drops of French perfume. C'est bien, c'est bien. Oh, it's so crooked. Where do you bring me? I don't want to go back to the hotel. Yes, no, bien sûr. Où est-ce qu'elle est passée? C'est pas une femme, c'est un ascenseur. Sylvia, mais où allez-vous avec ce chat? Mais attendez-moi. Bon, bah, je vais aller lui chercher du lait. Attendez-moi ici. No, no, not here. Sylvia. It must be over there. Mais puisque je vous dis que je vais aller lui chercher du lait, alors attendez-moi dans la voiture, je vais aller voir. Wait for me in my car. Je reviens tout de suite. Marcello, come here. Hurry up. Oui, Sylvia. Oui, je viens, moi aussi. Je vais te rejoindre. Oui, c'est toi qui as raison, Sylvia, c'est toi. Nous avons tous tort, c'est toi qui as raison. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le jour où Fellini rencontra Fellini, notre invité, c'est Jean Gilli, spécialiste du cinéma italien. Bonjour Jean Gilli. Bonjour. J'ai envie de dire bonjour maestro également, tant votre connaissance du cinéma italien est encyclopédique. Voilà qui me flatte, cher Fabrice Drouel. Bon, alors dites-moi, on pense souvent, presque par réflexe, que Fellini, voilà, c'est le plus grand des cinéastes italiens. C'est une impression ou c'est une réalité ? Non, c'est une réalité. Dans une cinématographie qui est particulièrement riche et pour laquelle on pourrait énumérer quantité de noms célèbres, pas de doute qu'à côté de Rossellini, De Sica, Visconti, Antonioni, il y a Fellini. Et Fellini domine ce territoire. Il l'a balisé d'un certain nombre de films mémorables, dont bien entendu La Dolce Vita, mais aussi 8 et demi, mais aussi Amarcord, mais aussi La Cité des Femmes, mais aussi Les Nuits de Cabiria, mais aussi La Strada, pour remonter un petit peu dans les films des débuts de sa carrière. Donc il n'y a pas de doute qu'il a laissé une empreinte extrêmement forte dans cette cinématographie. Alors comme souvent ce qui laisse une empreinte génère des disciples, des héritiers. Qui sont les héritiers de Fellini dans le cinéma italien et peut-être en dehors du cinéma italien, sait-on jamais. C'est-à-dire dans sa créativité, dans son aptitude à fabriquer des images. Le cinéma sont des images, donc Fellini c'est un inventeur d'images pour lesquelles il s'est aussi bien servi des ressources de la réalité, des ressources de ce qui l'entourait, lui fournissait comme inspiration, mais aussi du studio. On sait que le studio a été le lieu où il a pu exprimer toute sa créativité. Et je dois dire que dans le fond, chaque fois qu'un cinéaste a une invention visuelle, s'appuie sur une dimension baroque, on peut penser à Fellini. Mais dans le cinéma italien, il y a au moins un, c'est pas un héritier direct, mais en tout cas quelqu'un chez qui on relève une influence certaine, c'est Paolo Sorrentino. Mmh. La Grande Bellezza, d'une certaine manière, c'est un film de Paolo Sorrentino, mais c'est aussi un formidable hommage à Fellini. Un hommage conscient, il le fait vraiment aussi. Oh oui, conscient, ouais. Bien sûr. Même s'il arrive à le faire sans jamais faire du à la manière d'eux. Ouais. Parce que le risque vis-à-vis de Fellini, quand on a beaucoup d'admiration pour lui, c'est du faire à la manière de Fellini, quoi. Or, ce n'est jamais ce que fait Sorrentino. Sorrentino donne une idée de la ville qui est une idée totalement différente, qui par ailleurs est une idée empruntée à un filmage réel. Il n'y a pas de studio, il n'y a aucun recours au studio. Et Rome est la star du film. Et Rome est la star de bout en bout. Et d'ailleurs, c'est un film d'une telle richesse qu'on va bientôt en ressortir une version plus longue d'une 20aine de minutes. Bon, alors, très bien, alors on va revenir quand même à Fellini, parce que si on part sur ce film-là, on va aller dans des espaces qui nous font rêver également. Revenons à Fellini, vous avez dit « à la manière de ». Est-ce que ça veut dire que Fellini avait une manière bien particulière de travailler ? Quelle était sa méthode ? Sa méthode, c'était d'abord une très très grande disponibilité. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas sur le plateau avec des idées fortement arrêté, c'est quelqu'un qui dessinait, mais qui ne faisait pas de storyboard. Mmh. Attention, les dessins sont des recherches figuratives, il les appelait des gribouillages. Mmh. Et dans ces gribouillages arrive à naître quelque chose, mais quelque chose qu'il invente quasiment au jour le jour. Et en s'appuyant sur un certain nombre d'acteurs de confiance, notamment Marcello, qui est un peu son double, son souffre-douleur. Aussi, oui. C'est quelqu'un dont il exalte la présence, mais qui lui sert, par exemple, dans Intervista, il n'avait pas hésité, ou dans Ginger et Fred, il n'avait pas hésité à le vieillir, à lui couper les cheveux, et donc à dénaturer un peu son image, que par ailleurs il avait créée, parce que l'image du Latin Lover que va porter Mastroianni pendant toute sa carrière, elle vient de la Dolce Vita. Donc à la fois Fellini le façonne, et après le démonte, le détruit, le caricature quasiment. Donc on voit aussi que Fellini a une certaine fidélité, comme une espèce de famille de cinéma autour de lui. Alors je cite les noms de Nino Rota, Tullio Pinelli, Dante Ferretti. C'est ça, une grande fidélité professionnelle, famille, équipe, tribu. Oui, parce que je crois qu'il avait besoin de ça. Fellini était quelqu'un qui avait besoin de se rassurer. C'était resté fondamentalement un provincial, venant de sa Rimini natale. C'était quelqu'un qui était entouré d'un certain nombre d'amis et qui avait besoin. Le plateau de Fellini était un plateau très ouvert. Hein. C'est une chose surprenante, c'est que Fellini adorait recevoir les gens. Et ce qui montre bien sa capacité d'invention, le plateau était un lieu de bruit. Bon, alors c'est rendu possible par le cinéma italien qui ne travaille pas en son direct. Alors quand on ne travaille pas en son direct, on peut faire du bruit sur le plateau. Et d'ailleurs, on a des documentaires où l'on voit Fellini au travail qui, pendant que la caméra tourne, leur donne des indications. Mmh. Et la bande-son enregistre également la voix de Fellini. Alors bien entendu, cette bande-son, elle sera... Ça fait un document formidable. Ça fait un document formidable, mais évidemment, elle sera archivée, mais elle ne servira pas à la bande-son finale à laquelle il apportera beaucoup de soins, mais en post-production. Donc le tournage est une espèce de grand cirque. On a parfois comparé Fellini à un monsieur loyal, dirigeant à la fois ses équipes techniques, son chef opérateur, ses assistants, ses décorateurs, ses créateurs de costumes, mais ses comédiens, bien entendu, et tout ça dans un grand désordre apparent, mais lui, dans sa tête, avait l'ordre qui suivrait le désordre du tournage. C'est un foutoir organisé, en fait. C'était un foutoir totalement organisé. Vous avez parlé de la ville de Rimini, il est donc natif de Rimini en Émilie-Romagne. Moi, j'en connais un autre cinéaste qui est né en Émilie-Romagne, notamment à Bologne, et c'est Pasolini. Alors, quel rapport Fellini et Pasolini entretenaient-ils? Parce que là, voilà deux très grands noms du cinéma italien, peut-être les deux plus grands d'ailleurs. Oui, je n'ai pas de doute à cet égard. Je ne crois pas que les deux hommes étaient très amis. Je pense qu'ils s'appréciaient, le génie de l'un et de l'autre. Mais le rapport, surtout par exemple dans les Nuits de Cabiria, je crois que Fellini avait besoin, travaillant sur ce monde un peu du sous-prolétariat romain, les prostituées romaines, les mauvais garçons, qui est un peu l'univers d'Acatone et de Mamma Roma, de Pasolini, je crois qu'il avait besoin de quelqu'un qui connaissait mieux que lui ce milieu et qui notamment en connaissait les modes de parler. Pasolini, d'une certaine façon, était un conseiller dialectal. C'était quelqu'un qui, oui, se payait un maestro comme conseiller dialectal, ce qui peut paraître extravagant. Mais c'est vrai que Fellini a entraîné, et probablement que Fellini a facilité l'entrée de Pasolini, qui était d'abord scénariste, dans la possibilité de réaliser des films. C'est pour ça que Pasolini lui a renvoyé l'ascenseur en prenant la défense de la Dolce Vita à sa sortie, peut-être? Non, c'est même certain. Je pense que les deux hommes s'appréciaient. Je ne pense pas qu'ils aient eu des atomes crochus très forts, mais les deux hommes s'appréciaient. Et Bolognini raconte qu'il a aussi beaucoup travaillé avec Pasolini, dont il était plus proche sans doute que Fellini, que des gens reprochaient à Fellini de faire appel à Pasolini pour collaborer au scénario et au dialogue de ses films. Est-ce que, c'est la question fondamentale pour notre entretien, est-ce que selon vous, avec la Dolce Vita, Fellini a rencontré Fellini? En tout cas, il a rencontré quelque chose d'essentiel. Il en est question d'ailleurs dans la pièce que l'on a entendue, la recréation de la Via Veneto. La Via Veneto, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Rome. Quand on découvre d'ailleurs la Via Veneto, on est surpris par la petitesse et le peu de longueur de cette rue, rien à voir. Mais enfin, c'est quand même la rue la plus fameuse de Rome. Quand il veut y tourner, il découvre que c'est très difficile, parce qu'il y a de la circulation, parce que lui, il veut complètement contrôler son plateau. Donc, il décide de la recréer en studio. Mais en studio, lorsqu'il fait la Via Veneto, il la fait de manière réaliste et pas du tout de manière fantaisiste. Car dans le film, quand on le voit, et si on ne le sait pas, on peut imaginer qu'on est dans la Via Veneto réelle. Ah oui. C'est pas du tout comme dans les films postérieurs, il crée des décors qui sont donnés comme tels, et où le spectateur sait parfaitement qu'il a affaire à un décor. Là, c'est pas le cas. Et quand il y a Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi, il l'a pas reconstituée. On est sur la fontaine de Trévi. On est sur la fontaine de Trévi. Parce qu'il faut la reconstituer avec ses fresques. Oui, mais la fontaine de Trévi, c'est autre chose. En fait, c'est une petite place. La fontaine est immense, mais il y a très peu de dégagement. L'espace autour de la fontaine est extrêmement limité. On s'y bouscule. Donc, disons qu'il est plus facile de couper toutes les rues. Bien entendu, on tourne en pleine nuit quand il y a moins de monde. On peut couper toutes les rues et tourner la séquence avec Mastroianni et Anita Ekberg. La Via Veneto, il n'y a pas de moment où la rue est vide. Même en pleine nuit, c'est au contraire, c'est la nuit des orgies, c'est la nuit des rencontres, c'est la nuit de la fête. Donc, on ne peut pas, à aucun moment, pouvoir la maîtriser complètement. Non, parce qu'au bout du compte, quand on voit cette scène d'Anita Ekberg dans la fontaine de Trévi, on se dit qu'il y a des scènes comme ça de certains films qui hantent notre imaginaire quasiment pour l'éternité. C'est ça la marque des grands et des chefs-d'œuvre? Oh, sûrement. Sûrement, c'est-à-dire que l'iconographie finit par devenir une iconographie imaginaire personnelle. Hein. Mmh. C'est-à-dire on l'intègre à sa propre perception du monde. Le moment où Mastroianni plonge dans la fontaine, enfin entre dans la fontaine pour aller rejoindre Anita Ekberg, c'est un moment. D'ailleurs, Scola s'est amusé à le reconstituer dans Nous sommes tant aimés, tellement cette image est mythique. Quand on veut donner une image du cinéma italien, souvent on pense à ça. Mais alors, pour revenir très rapidement à la Via Veneto reconstruite en studio, c'est que c'est peut-être à ce moment-là Fellini, qui était plutôt quelqu'un qui tournait en décor réel, Fellini découvre que le studio, même s'il est au début conçu comme une reproduction de ce qui est dans la réalité, peut lui offrir des possibilités d'expression qu'il ne trouvera jamais dans un décor réel. Et c'est peut-être là qu'il découvre finalement qu'en tournant en studio, il peut arriver à une maîtrise plus grande des lieux, de la lumière, des déplacements, du contexte sonore. Il peut tout maîtriser. C'est ce que vous appelez, vous l'appelez le magicien du réel. Ce n'est pas pour rien, vous venez d'en faire une démonstration. Merci. Merci Jean-Gilles, on se retrouve tout à l'heure. Je crois que la plupart de notre malheur, de notre angoisse, il va venir dans l'intellectualisation de la vie. Alors, des films, des livres, des œuvres, des artistes qui vont essayer de représenter la vie dans son mystère très grand, d'accepter la vie sans essayer une interprétation intellectuelle, ils font une chose honnête et je crois que l'homme moderne il a un grand besoin de retrouver une disponibilité virginale vers la vie. Je veux laisser ouverte une petite porte à quelque chose d'inexplicable, à quelque chose que je ne connais pas, mais qu'il peut venir inattendu chaque jour. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. Toute la nuit danser le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catimini. Et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et voir à la grève ton âme en trempant du Grand Paris quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso. Allons. Jean Gilly, ravi de vous retrouver pour parler de cet artiste assez passionnant qu'est Fellini. La Dolce Vita est un film, on peut le dire, sur la débauche. C'est une vision de l'Italie finalement assez déprimée en cette fin des années 50. Certains y voient aussi une dénonciation du fascisme, de la société italienne. Ça me rappelle beaucoup Pasolini, ça d'ailleurs. Enfin, on parle de Fellini. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment chemin qu'il a emprunté? Oui, mais c'est un petit peu, dans le fond, la voie royale du cinéma italien, qui a été toujours un cinéma d'observation. Sinon de dénonciation, ce qui nous amènerait davantage vers un cinéma politique, mais en tout cas de satire ou de critique ou de représentation des distorsions de la réalité. L'Italie est un pays qui, après la guerre, après plus de 20 ans d'expérience fasciste, doit se reconstruire. Bon, il doit à la fois se reconstruire politiquement, ça devient une république, il doit se reconstruire moralement, il doit se reconstruire économiquement, et d'une certaine façon, le cinéma a accompagné ça. Aujourd'hui, quand on veut comprendre ce qu'est l'Italie, on peut lire des essais, on peut lire des romans, on peut lire des traités de politique, mais je crois que le cinéma est une formidable clé pour ouvrir la porte qui nous ouvre à la compréhension de l'Italie. Précisément, au sein du Festival du film d'Annecy que vous présidez, dans la programmation l'an dernier, ce qui m'avait... On va revenir à Fellini tout à l'heure. Enfin, ce qui m'avait frappé, c'est la prégnance, voire la dominance des thèmes très réalistes, mais pas néo-réalistes, réalistes, dans le cinéma italien aujourd'hui, autour de deux grands thèmes, l'immigration et la crise économique. Oui, l'immigration, la crise économique, et j'en ajouterai un troisième, la criminalité organisée. Oui, bien sûr, mafia, oui, c'est vrai qu'il y a toujours. La Drangheta, la Camorra, enfin. Donc, ce sont des phénomènes quand même peu transposables. Par exemple, le problème de la criminalité organisée, il existe partout, mais il n'est pas aussi visible et omniprésent dans d'autres pays qu'en Italie. Quoi. Absolument. Et ça, le cinéma, voilà, nous permet de comprendre. Gomorra, par exemple, parmi les jeunes cinéastes italiens, est un film formidable pour décrire, pour comprendre ce qu'est la situation de la criminalité organisée dans une ville comme Naples, mais qui devient emblématique de l'ensemble de l'Italie. Absolument. Voir d'ailleurs, entre parenthèses, la série Gomorra. Il y a le film et la série qui est absolument remarquable. Bien, oui, de Solima, mais c'est normal d'ailleurs. Hein, c'est parce que c'était un vrai sujet que ça a pu devenir ensuite une série. Alors revenons à Fellini. D'où vient-il finalement et comment il est venu au cinéma? Oh, c'est très curieux là, le parcours de Fellini. Parce que Fellini, en regardant un petit peu l'origine des cinéastes italiens, on s'aperçoit que la plupart des cinéastes italiens sont d'origine parfois même aristocratique, on peut penser à Visconti, mais souvent de très bonnes familles. Ce sont des gens aisés qui ont fait souvent des études. Parmi les cinéastes, il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des juristes. Enfin, bon. Et puis, il y a quelques cinéastes qui ont une origine extrêmement modeste. Et Elio Petri en est un bon exemple, mais l'autre excellent exemple, c'est Fellini. Fellini est quelqu'un d'origine très modeste. Son père était représentant de commerce. D'ailleurs, dans son enfance, il le voyait très, très peu, son père, parce que son père était constamment dans ses tournées de représentant de commerce. Donc, il arrive à Rome, il a des idées, il a envie de s'échapper de l'enfermement que constitue la petite ville de Rimini, de découvrir la grande ville. Enfin, il monte à Rome, comme on monte à Paris. Et là, il a la chance de rencontrer Rossellini, quoi. Et il va se former au contact de Rossellini. Donc il y a une part de volonté personnelle de tout faire. Il est caricaturiste, il écrit des billets d'humour, il écrit des textes pour la radio. Et comme on est dans une société où il y a une grande porosité entre les différents domaines d'expression, le journalisme, la radio, il n'y a pas encore la télévision qui compte pas à l'époque, elle est balbutiante, et le cinéma, il entre en cinéma. Et il entre en cinéma comme écrivain. C'est-à-dire comme scénariste. C'est-à-dire qu'il met en œuvre son talent, son humour. Il est même gagman sur certains films d'un auteur et acteur comique qui s'appelle Macario. Gagman, c'est-à-dire ces gens qui reçoivent un scénario et qui modifient certaines répliques pour les rendre plus drôles. Et comme il fait merveille, comme il se fait tout de suite remarquer, il va être l'assistant de quelques cinéastes, et puis surtout, il va tourner son premier film avec la Touada, qui lui, au contraire, est né un peu avec la cuillère en or. C'est un architecte, c'est un fils de musicien, et donc on a d'un côté cet aristo de la culture qu'est la Touada, et puis ce garçon venu de Rimini qui est Fellini, et puis Fellini va rapidement imposer sa marque et devenir rapidement avec les Vitelloni, avec Vitelloni, les mauvais garçons. Il est pas très connu, celui-là. Non, il est pas très connu, mais c'est un film où il dirige Alberto Sordi. Mais après, évidemment, c'est la Strada qui va le lancer. C'est la Strada. Voilà. Et alors, sa filmographie n'est pas, j'imagine, monolithique. Il y a des cinéastes qui ont fait plusieurs périodes. Et est-ce que Fellini a plusieurs périodes? Est-ce qu'il y a une unité, au contraire? Non, il y a quand même au moins deux périodes, justement. Tous les débuts qui sont dans la continuité du néo-réalisme, où il tourne en décor réel, où il utilise essentiellement les propositions que lui donnent les paysages qu'il traverse et qu'il met devant sa caméra. Et puis on arrive à La Dolce Vita, qui commence à être justement un film dans lequel on continue à tourner dans Rome, mais on découvre le studio, quoi. Ça va se poursuivre par cette grande crise de créativité qui donnera un de ses plus grands films, 8 et demi, sur un metteur en scène qui ne sait pas qu'est-ce qu'il voudrait raconter dans son prochain film. Et il va transformer cette impuissance, au contraire, en une œuvre majeure de sa filmographie. Et après, alors là, franchement, il y a une rupture. Après commencent les grands films tournés en studio. Fellini Satyricon, Amarcord, La Cité des Femmes, où il va là, au contraire, ne presque plus aller dans les décors réels, mais presque entièrement tourner en décors de studio, à tel point que, par exemple, dans Amarcord, à un moment donné, on a une locomotive qui entre, un train qui entre en gare, qui amène des dignitaires fascistes à Rimini. Or, le bâtiment de la gare, c'est le bâtiment d'entrée de Cinecittà. Et pour évoquer la locomotive, on a simplement des assistants qui, de l'autre côté du bâtiment, et mettre de la fumée pour faire croire qu'il y a une locomotive qui passe derrière. Le cinéma est toujours la grande illusion. C'est une illusion extraordinaire. Au-delà du titre d'un film bien connu. Est-ce que Fellini incarne aussi cette Rome des années 70, qui était une ville magnétique en Europe pendant les années 70? Aujourd'hui, on dirait Berlin, Barcelone, Londres. Rome n'est plus malheureusement ce pôle magnétique qu'il a été. Est-ce que Fellini représente ça, cette Rome des 70s? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, certes, mais enfin bon. Mais il est certainement la figure magistrale. Hein. C'est l'homme. D'ailleurs, il est devenu romain et c'est quelqu'un qui détestait voyager. J'ai l'impression que pour lui, le grand voyage, c'était le voyage de la Via Margutta où il habitait, et pour aller à Cinecittà. Voilà, c'était ces 10 kilomètres, ça c'était le grand voyage de Fellini. Et puis les voyages, c'était les voyages nocturnes, puisqu'on sait, comme le montre Ettore Scola dans Che strano chiamarsi Federico, c'est quelqu'un qui adorait la nuit, qui souffrait d'insomnie, prendre sa voiture, éventuellement embarquer des amis et circuler dans Rome, aller parler avec les prostituées, découvrir des madonnari, c'est-à-dire des gens qui font des dessins sur les trottoirs pour récolter quelques sous, quoi. Là aussi, c'était une espèce de voyage nocturne à l'aventure, mais une aventure vraiment très circonscrite dans l'espace. Alors, une dernière chose, Jean Gilly, est-ce qu'on peut dire que La Dolce Vita est le film majeur de Fellini? C'est devenu, vous rendez compte quand même, si on traduit La Dolce Vita en français, on dit La Vie Douce. Bon, La Vie Douce, ça, c'est pas percutant. La Dolce Vita est devenue un élément de langage, presque. On dit c'est formidable, c'est La Dolce Vita. Oui. Quelle trace quand même ça, un film peut laisser dans la culture, y compris dans la culture populaire et dans son langage. Absolument. Et d'ailleurs, son nom est devenu aussi un adjectif, c'est-à-dire on dira d'un film, c'est Fellinien, quoi, hein, ouais. ou d'un personnage qu'il est Fellinien, quoi. C'est-à-dire, il y a certainement une marque. Fellini a marqué son temps, quoi, hein, et c'est quelqu'un, dans le fond, plus de 20 ans qu'il a disparu, et c'est quelqu'un qui reste irremplaçable, quoi, et auquel on continue à se référer. Et pourquoi? Parce qu'il nous a donné un catalogue d'images, de sensations, de souvenirs dont on a presque l'impression que c'est nous qui les avons vécues, quoi. Quand on se promène dans Rome, on a l'impression que si au détour d'une rue, d'une place, on a le sentiment de trouver un lieu où Fellini a pu tourner. Moi, j'aimerais d'ailleurs qu'à Rome, on mette des plaques partout, quoi. Partout où Fellini a tourné, ici, Fellini a tourné telle séquence de tel film. Ce serait un souvenir formidable et une sorte, comme le petit poussé, hein, retrouvé par pierre à pierre, petite pierre après petite pierre, tous les lieux de Fellini. Le parcours de Fellini. Le parcours de Fellini. Bonne idée de musée en plein air, et puis évidemment dans Cinecittà, aller voir sa trace qui est si importante. Jean-Gilles, il me reste à vous remercier. Non, c'est moi. C'est un plaisir de parler de Fellini. Je vois. Merci beaucoup, Jean-Gilles. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le jour où Fellini rencontra Fellini, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Cédric Ossir et Hélène Bisiot. Émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Guillaume Roux et Loïc Frapsos.